Bail commercial, compensation entre travaux et loyers impayés. Le locataire qui a obtenu la condamnation du bailleur à réaliser des travaux sous astreinte peut invoquer dans la procédure collective du bailleur la compensation entre la créance relative à l'astreinte liquidée et une dette de loyer. En effet, dès lors que l'obligation mise à la charge du bailleur ayant donné lieu à l'astreinte était née du contrat de bail, la créance d'astreinte présentait un lien de connexité avec la créance de loyer, d'où la possibilité de compensation.